Latina sans pourvoir les filles du pays. L'innocence rencontre la violence. Le cœur d'une famille est brisé par l'abus et l'indifférence. Si je parle d'amour après le crime, mais la blessure ne se répare pas ainsi. Les frères parlent de ruse et d'alliance, mais la vengeance mûrit dans la nuit. Quand la justice est remplacée par la colère, la violence se multiplie. Garde nos cœurs de la vengeance, même quand la douleur est immense. Que la justice ne soit pas emportée par le feu aveugle de la violence. Cœur de la vengeance, quand la colère réclame son dû, car la haine promet de soulager, mais elle ne guérit jamais ce qui fut perdu. Siméon et Lévi frappent les hommes, la vie. Que même dans ton peuple, le mal peut encore se lever, et que la violence, même justifiée, n'apporte jamais la paix espérée. Garde nos cœurs de la vengeance. Garde nos cœurs de la vengeance. Ta paix seule peut réparer ce que la haine.